bien ta surprise. Ne suis-je pas mise à ta guise, l'épée au côté, la plume au chapeau, l'escarpelle pleine, un riche manteau sur l'épaule, en forme, un vrai gentilhomme. Eh bien, docteur, que me fais-tu? Voyons, parle, ce fait que peur, non. Doutes-tu de ma puissance? Aide-moi, mets-la donc à l'épreuve. Attends, si elle a ta reconnaissance. Apprends-moi avec ta voix l'endroit usé d'autre sorte et qu'il n'était pas besoin de la peur et de si loin pour le mettre ensuite à la porte. Que peux-tu pour moi? Oh, oh, laisse-moi d'abord. Ce que tu veux, est-ce de l'or? Serais-je de la richesse? Oh, ta voix sous le bas te blesse. Tu veux la gloire? La puissance, votre trésor, il est contient à tout. Je veux la jeunesse. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses, à moi leur talent. À moi leur désir, à moi l'énergie, d'être sain et puissant, et la colorcure du cœur et des sangs, ardente de jeunesse, à moi tes désirs, à moi ton ivresse, à moi tes plaisirs, à moi ton ivresse, à moi. Oh, la reverrai sans doute. Ciao, aujourd'hui. Eh bien, À moi, à toi, à toi.